Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui deux invités exceptionnels, Sylvie Rabouté et Guy Montagnier. Bonjour. Bonjour. Oh, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est très avec gentil un grand plaisir. Sofiane. Bon, eh bien, le plaisir est partagé. Et donc vous aviez une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Oui, bon, on en a séparément puis on en a ensemble. Ouais, on en a ensemble. Bah, on prend tout dans ce podcast. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, Sofiane. Oui. Malheureusement, non. Oui, alors par exemple, une des dernières, on n'a pas toujours des salles exceptionnelles. Nous, on aime bien aller jouer dans des petites salles de province parce que ça nous permet en même temps de visiter la France. D'ailleurs, on ne prend plus les autoroutes maintenant. Non, on ne prend que les petites routes. C'est vrai. On ne donne plus d'argent du tout au péage. On fait une économie de malade. C'est-à-dire, c'est les gilets jaunes, comme c'était gratuit, on s'est dit, ah oui, c'était bien, mais puis c'était plus gratuit après. Alors du coup, on a pris les petites routes. C'est l'effet gilets jaunes, en fait. C'est ça. Donc on attend qu'ils reviennent. Hein, et puis, Alors un jour, je reçois une lettre manuscrite, ce qui arrive très rarement quand même dans les commandes de spectacles. Quelqu'un qui veut nous acheter le spectacle. On le vend pas très très cher, parce qu'on n'a pas envie de... On a envie de faire des petites salles, et on sait qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens. Oui, donc voilà, c'est des petites mairies, tout on ça. On y va doucement. Mm-hmm. 200 000 euros, quoi. Oui, bah, c'est ça, voilà. Normal. Hors taxe, hein. Hors taxe, on est d'accord. Taxe. Oui, hélicoptère, il faut avoir un hélicoptère. Un hélicoptère, oui, pour pouvoir nous faire bouger du l'hôtel. Et bon, et je montre ça à Sylvie, qui quand même est plus finaude que moi, qui me dit... Ça faut le dire. Réponds que tu peux pas, parce que ça sent mauvais. Je dis, oh, bah non, écoute, regarde, ils sont dans un village du Massif Central... Petite ville, non, il y a 10 000 habitants. Bon, c'est pas gros, mais ça peut être sympa. Oh, je suis d'accord. En plus, alors, j'ai ma famille pas loin, je pourrais aller les voir. Oui, alors, voilà, sympa. Oui, en passant par, oui, vers Clermont-Ferrand, c'était pas vraiment à côté, hein, Sofiane. Mais en plus, Clermont-Ferrand. Ah, je connais bien la zone. Oui. Alors, oui, et bon, j'appelle le mec, tombe sur un gars à peu près de mon âge, un vieux, donc. Il dit, hey, on a une salle, oui, mais vous faites combien les prix des places? Je dis, en général, 20 euros, pas plus, parce que, bon, les gens, il faut qu'ils aient les moyens quand même. Bah, oui, ça fait déjà cher. Pas plus. Et oui, oh, c'est un peu cher pour nous. Bah, je dis, prenez pour le spectacle, hein, c'est pas grave, bon, au revoir. Non, attendez, on va voir. Donc, déjà, Sylvie me dit, je te dis, ça pue. Méfie-toi. Bon, bah, ouais, mais je continue quand même, moi, têtu, bordé un peu. Bon, vous avez un équipement technique, je le rappelle. Oui, on a un équipement technique. Qu'est-ce que vous avez? Oh, je sais pas, je vais vous demander au responsable technique de vous rappeler. Hello, oui, je suis le responsable technique. Je dis, vous avez combien de projecteurs? Ben, attendez, je vais vous envoyer. Je vais compter. Par email? Non, j'ai mes mails, j'ai pas d'ordinateur. Sylvie me fait, ça pue. Bon. On va être éclairé à la bougie. J'avoue qu'il y avait des indices. Et on voit un post-it où il me met, j'ai tant de projecteurs, tant de machins, des diffusions, oh, micro, tout, dit, etc. Ça a l'air bien. Et je dis, bon, si, c'était limite, mais ça passait. Bon, je dis, on va se débrouiller avec ça, ça ira très bien. Bon, les gens seront contents. Oui, mais voilà. Bon. C'est que les gens soient contents. Et on y va. Je passe tous les différents coups de téléphone. Bon, on reçoit finalement l'avance, parce que je me méfie toujours dans ces gens, dans ces coups-là. Je demande un chèque d'avance. Le chèque est provisionné, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils avaient des ronds, ils étaient grosses associations. Hein, oui, parce que c'était dans leur cahier des charges d'association de faire des spectacles. Voilà. Oui, donc ils étaient obligés. Et ils avaient de l'argent. Ils étaient 200, quand même. Ah oui. Quand même, bon. D'accord. Alors, bon. Ouais. Et alors, on arrive, et là, on arrive vraiment, mais... Très en avance. Très tôt le matin. Ouais, je me méfie. Ah oui, donc... Non, avant ça, tu rigoles. 9h. À 9h. 9h, oui. 9h, vous étiez là-bas. 9h, surtout à 8h30 le soir. Ah oui, donc... Ouais, donc là... 9h le matin. Parce que, parce que méfiance, quand même. Non, méfiage. Ah oui, là... On avait peur, on était mort de trouver. Et là, on rentre dans un hangar à bananes. Mais ça s'appelle un hangar à bananes. On cherchait le plateau. C'est-à-dire que debout, tu peux mettre 2000 personnes, quoi. Oui, oui. Bon, mais assis, je sais pas, bon. Mais il faut trouver les chaises, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et je vois un jeune homme, 19 ans, gentil. Au début, il faisait un peu la gueule. Oui, bon. Il faisait un peu la gueule. Et je vois un plateau. Ah, l'ambiance. Mais alors, le plateau, le truc d'amateur, quoi. Samia, quoi. Mais non, mais Samia, c'est bien. Le problème, le problème des plateaux Samia, c'est qu'il faut que ça soit recouvert par une moquette. Ou oui, oui. Pas des différents... les pieds entre les différents. Ah oui, la gueule, non, c'est les dangereux. Très dangereux. Et oui, voilà. Plus, le pont lumière, normalement, j'explique un peu aux gens qui écoutent. Oui, oui. Un pont lumière, on sait que les comiques doivent être... Le comique n'importe quel spectacle doit être éclairé de face. Mais a fortiori, les comiques, parce que si on est éclairé par en haut, ça fait des rien, trous noirs. On voit rien, voilà. C'est glauque, c'est triste. C'est glauque, et puis on ne voit pas les expressions du visage. Voilà, et puis on voit deux trous noirs à la place des yeux, donc c'est l'horreur. Oui, un truc alors, bien subventionné, ça va, mais autrement, non. Et là, je vois une palette à roulettes avec des projecteurs, et je ne vois rien accroché sur le pont lumière. Les projecteurs de après l'époque de Molière. Oui, oui, voilà. Juste la première après. Génération de projecteurs. Il avait lancé le projet, mais il n'a pas fini. Alors, je lui dis, c'est quoi ça? Je vois des trucs. Il me donne le nom. Je dis, bah oui, il me semblait bien, mais il n'y en a pas 12, il y en a 6. Oui, mais il y a aussi les petits machins. Et là, je vois des tout petits projecteurs de 300 watts. Il y en avait 4. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors qu'il nous en faut... On va jouer séparément. Au minimum, en fait. Ah ouais, voilà. Il nous en faut au minimum 10 à la face et 10 en contre. Plus une poursuite, pas une poursuite, une découpe, enfin un projecteur un peu de matos, quoi. Ah oui, oui, normal. Et le son, je vois deux baffes de merde, des trucs qui ont dû être fabriqués dans l'arrière-fond de la Chine en 1954. Et je dis, mais ça va pas aller. Et je vois le mec, le fameux responsable technique, et je commence à me piquer une colère comme j'ai pas piqué depuis très très longtemps. Et moi j'étais en coulisses. Je lui dis, mais vous êtes foutu de ma gueule. Vous croyez que vous allez me forcer la main en venant ici et puis me mettre devant le fait accompli avec trois projecteurs de merde. Là-dessus, il y a le responsable de la de la mairie, qui entend ça et qui dit à Sylvie. Il me dit, écoutez, je savais que ça allait être la galère, parce qu'à chaque fois qu'ils organisent des trucs, c'est compliqué. Donc il dit, là, vous avez une vieille galère, parce que le truc de son, là, c'est le truc qu'utilise le maire pour les discours du 11 novembre au monument aux morts. D'accord. Donc, et comme les morts, ils n'entendent pas très bien de ils base. Ils s'en foutent complètement. Voilà, et puis il dit, bon, qu'il n'y a pas le plateau dedans, il n'y a pas de tapis de danse. Mais moi, je peux vous prêter le tapis de danse. Le maire va venir, mais elle ne verra pas la différence. Je vais vous le prêter pour que vous puissiez coller autour. Et puis il dit, je connais un mec qui fait du son et de la lumière. Je vais l'appeler pour qu'il vienne vous aider. Un prestataire. Ouais. Et donc le prestataire arrive avec sa camionnette. Il dit, ouais, vous auriez dû... Vous avez eu du bol. Vous auriez dû, avec l'accès à l'accès, vous auriez dû me dire, parce que moi, j'avais des... Bon, j'ai des gars là maintenant, c'est un peu tard, mais avant, vous m'auriez dit ça il y a un mois, moi, j'étais libre. J'ai pas de gars, moi, pour ce soir. Il dit, bon, j'ai quelques projecteurs, il me sort quand même... Genre du dépannage, quoi. Oui, non, mais des trucs... Non, lui, par contre, lui, non, lui, c'était sérieux. Et il me sort quatre enceintes Nexo qui sont du professionnel, machin. Ouais, on en pleurait. Du Nexo, chérie. Tu sais que le la console, il connaît pas trop ça parce qu'il est amateur. Il est électricien en fait, au civil. Oui, mais régler des Nexo, une console. Mais c'est pas du tout son truc. Il connaît au moins l'électricité. C'est une spécialité après, faut se spécialiser quoi. Voilà. Et puis la lumière, il avait sa fiancée qui avait jamais tripoté ça de sa vie. Il l'appelait comment? Il l'appelait? Elle avait 20 ans, elle était mignonne comme tout. Il lui disait bébé, balance la lumière. Il lui disait. Elle n'avait pas 20 ans, 18 ans. Bébé, il l'appelait. Bébé, balance la lumière. Je disais, oui, vas-y, bébé, éclaire-nous qu'on nous voit. Extraordinaire. Et puis là, on fait la répétition, bah, le mec réussit à installer les machins, il nous règle en plus le son, génial, bon. Et les deux gamins, ils étaient là, alors je les prends gentiment, je leur dis, bon, vous m'avez vu gueuler tout à l'heure, mais c'est pas contre vous, bien entendu, mais on va essayer de faire un truc ensemble. Bon, et je dis, qu'est-ce que vous avez comme autre matos? On a une poursuite. Je dis, bon, on n'a pas demandé de poursuite. Ah, bon. Il y a un vieux qui dit, moi je la ferai. Il l'a bien faite. Ah ouais. Et le gars, il n'avait pas parce un que bouton. La poursuite, c'est le truc le plus compliqué, on va dire. Il l'a bien fait, alors, on a fixé la poursuite dans un coin, une fois pour toutes. Il avait pas il était... On l'a ouverte une fois il pour était toutes. Au taquet. Ah, il était au taquet, Bépère. Et il avait la prise à brancher. C'est la prise, pas un bouton, non, une prise. Il fallait qu'il branche, hein, par contre. Et à un moment donné, il l'enlevait. Alors, c'est tout. Le jeune homme au milieu, lui, il avait sa fiancée à droite qui n'avait jamais fait la lumière. Et Bébé qui pétait. Elle me dit, Bébé, ouais, c'est ça. Bébé. Et Bébé, elle était morte de trouille. Elle me dit, il arrête pas de m'engueuler. Je t'inquiète pas, Bébé, c'est la chance du débutant, tu vas assurer comme une bête. Et alors, on fait le spectacle, et là, on s'aperçoit sur scène, en faisant la répétition, que comme les projecteurs sont au ras du nez de la scène, c'est-à-dire, nous font des ombres, que tout le spectacle comique, ils ont vu deux squelettes avec les trous noirs. Ben, ils étaient ravis. Alors, on s'est dit avec Guy, heureusement, et on s'est battu. Et heureusement, et on était sur 2 mètres de large un couloir. On a joué dans un couloir. Ouais, ouais. Mais les gens étaient ravis. Ouais. Et j'ai dit à Guy, c'est toi qui avais raison. Il faut toujours faire les spectacles. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est que tu as rendu 200 personnes heureuses. Voilà, c'est ça. Même si toi, tu as un peu galéré, c'est pas grave. Parce que c'est pas la mine. Tu fais ton métier, tu t'amuses. Et puis, tu as surtout un truc à raconter à Sofiane. Et surtout la chute, qu'à la fin, on a vu qu'il y avait 200 personnes, on s'est dit, mais pourquoi il y a aussi peu de monde? D'habitude, on en a plus que ça. Parce que le mec de la mairie, donc le régisseur de la mairie, me dit, bah oui, ils ne sont pas venus aussi nombreux parce qu'ils pensaient que c'était le sosie de Guy Montagnier, parce que cette association n'accueille que des sosies. Est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas trop été déçus d'avoir le vrai, finalement, que voilà, ils n'ont pas les moyens, alors ils ont fait le vrai. franchement. Voilà. Là, mais c'est pas, c'est une galère, oui, d'une certaine manière. Mais, c'est une mais galère, ça reste une galère. Temps. Et alors c'était rigolo parce que quand on a dû louer du matériel supplémentaire, je dis au trésorier, mais ça va pas vous faire trop financièrement. Il dit, ah non, on a plein d'argent. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par louer du matériel? Le matériel, c'est la première des choses. C'est des Auvergnats, tu vois. Là, t'as bien vu le côté Auvergnat, là, tu l'as bien senti. Alors qu'ils ont de l'argent et il faut qu'ils dépensent de l'argent parce que c'est dans le cahier des charges. Oui, c'est souvent c'est le cas. S'ils claquent pas leur budget, ils n'ont pas le même l'année d'après. Donc voilà. Mais bon, c'était une galère, mais qui était plutôt marrante. Bah, au final, ça s'est bien terminé. Mais dans un truc super rigolo qu'on avait fait un jour, il y avait quelqu'un qui était très fan de Guy et qui vendait des maisons. En fait, c'était le patron, il vendait des maisons. Il voulait organiser pour ses 40 salariés un spectacle avec Guy Montagnier. Voilà. C'était, là, Guy était en one-man show et moi, je le mettais en scène dans ce spectacle-là. D'accord. Et en fait, le spectacle devait se dérouler dans un restaurant. Il n'y avait quasiment pas de scène. Il n'y avait quasiment pas d'éclairage, en fait. Et on a réglé des halogènes. C'était des halogènes. Des halogènes. Et pendant le spectacle, Guy me disait, « T'as vu, chérie, ils sont bons, hein ?» C'était 40. C'était 40. Et après, ils nous avaient organisé un repas derrière. Oh, putain, on bon. S'est régalé. Ah, oh là là. Tu as été payé royalement, car ce monsieur a été extrêmement généreux. Ouais. Ce patron, il nous a payé un cachet extrêmement gros, mais même dingue. Enfin, vraiment, il voulait faire plaisir à ses employés. Sympa. Donc, c'était à la fois un peu complètement surréaliste, parce que j'avais l'impression de jouer chez ma grand-mère, éclairée par les halogènes. Enfin, lui, il avait joué chez sa grand-mère. Et moi, je réglais des trucs pendant, je faisais sa régie, en fait. Des régisseurs. Et c'est le truc qui nous a coûté le moins cher et qui nous a rapporté le plus dans notre carrière. Ouais, exactement. Grâce à ce très généreux monsieur qui était très gentil. Il faut que tu racontes une anecdote à toi du théâtre subventionné. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu une chance formidable, c'est que j'étais jeune théâtre national en sortant du conservatoire de Paris. Oui. Et j'ai été prise pour jouer un spectacle de Bergman au théâtre Sorano à Toulouse. Et c'était un double engagement. Après, je devais faire le spectacle d'ouverture. C'était le spectacle de fermeture du théâtre Sorano à Toulouse. Et on devait, après, faire un spectacle qui était le spectacle d'ouverture du TNT à Toulouse, qui était le nouveau théâtre de Toulouse. Donc, je commençais ma carrière en fermant un théâtre et en ouvrant un autre, ce qui est vraiment une chance. Formidable. Et puis le symbole est quand même beau. Et beau. Et je commençais ma carrière. Donc c'était vraiment une grande chance. Mais quand alors Sorano, ça se passe très bien, tout ça. Une pièce de Bergman. Je joue la jeune comédienne en dialogue avec son metteur en scène. Bon, vraiment très bien. Et puis après, il y a une pièce avec Judith Magre. Je jouais sa nièce dedans, qui s'appelait La Mère d'Edouard Bond. Et on faisait spectacle d'ouverture. On était 14 au plateau et il y avait 14 techniciens. Et on rentre pour la première fois dans la salle pour la première répétition. Et il y avait une grande rampe de projecteurs. Les techniciens étaient tous sur le plateau et nous, on était tous en salle. Et puis, ils vont voir un truc au fond du plateau, les 14 techniciens. Ouais. Et vraiment, c'était incroyable parce qu'ils étaient tous les quatre en train d'aller observer un truc au fond. Et au moment où ils partent, la rampe de projecteurs s'effondre sur le plateau. Comme dans les films, quoi. Ouais, en mille morceaux. Et nous, on fait tous « Waouh !» Ah, ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux. Et c'était dingue. À ce moment-là, arrive l'ascenseur sur le plateau et on entend « Vous êtes sur le plateau !» Alors là, le metteur en scène, il pète un câble, il dit « Alors là, attendez, déjà, lui, vous me le démontez. » Ah. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec... Ils ont failli vraiment crever, quoi. Oui. Et moi, alors ça continue, on fait répétition, bon, ça se passe bien ça, et donc on avait répété dans une autre salle et on était la veille de la première, donc on devait répéter sur le plateau. Et c'était encore le bordel sur ce plateau. Mm-hmm. Je devais, moi, courir en dessous du plateau, dans des coulisses sous le plateau. Ouais. Et je vois pas, parce que j'avais pas pu répéter et tout avant, et je me prends une barre de fer en plein dans la gueule, en plein sur tout le côté. J'ai fini aux urgences de Purpan après le filage, en fait. J'ai continué le filage avec la gueule comme c'est-à-dire, ça. C'est-à-dire, t'as appuyé sur le truc et ça s'est levé ou... Non, j'ai foncé dans une barre de fer d'accord. qu'il y avait en dessous, j'ai pas vu. Je me suis tapé sur toute la longueur, donc j'étais bien maquillée pour la première. Oh. Et après, donc, la répétition à la veille du spectacle, j'ai été aux urgences de Purpan. Juste avant. Donc là, l'ouverture de ce théâtre, c'était punchy. Ah, oui. Et le jour de la première, Judith Magre nous affiche 42 fièvres, donc le rôle titre. Et elle a joué avec 42 fièvres. Et là, je lui ai dit, vu qui tu es, je commençais, je suis jeune comédienne, tu aurais pu annuler, c'est super que tu aies joué. Et elle me dit, retiens bien ça, on n'annule jamais. Ah, c'est beau. Et c'est donc beau. Voilà, c'est ça, ouais. Show must go on, quoi qu'il arrive. Ah, bah, il faut sûr. Faire plaisir aux gens. Et s'ils sont 10 ou 200... C'est exactement ça. Il faut leur faire plaisir. C'est vrai. C'est voilà, vrai. C'est notre mission. Et d'ailleurs, mon anecdote à moi tout seul enchaîne parfaitement bien avec On annule jamais. Mm-hmm. Parce que je jouais en Belgique, et ça a vraiment quelque chose de comique. Je jouais à Charleroi, au temps choisi, à Gilly, exactement. Et les Carolos, comme on dit, les gens de Charleroi, c'est des Belges, bon, mais ils sont plutôt... Ils sont chaleureux. Ils sont chaleureux, mais attention, il faut que ça démarre parce que c'est des mineurs. Hein. Donc les mineurs, ça peut être austère aussi. Mais c'est un bon public. Mais c'est un très bon public. Le public belge, en général, est magique. Et surtout, moi, à l'époque, je me foutais un peu de la gueule des Belges parce que les grosses têtes, on avait des histoires belges. Évidemment. Eh ben oui. J'avais aussi des histoires sur les Français, mais bon. Et là, les mecs, ils n'allaient pas me rater. Pourquoi ? Je commence mon spectacle, je raconte des histoires drôles. J'arrive à une histoire de Raoul le dégueulasse avec ses mouches. Et j'avais, au préalable, juste avant cette séance, répété, puis j'étais rentré à l'hôtel à côté, à Charleroi, et j'avais mangé dans un excellent restaurant qui existe encore, je l'espère, ce qu'on appelle des jets de houblon. C'est un peu comme des asperges, c'est les pousses de houblon. Sauf que ça porte bien son nom, des jets de houblon. D'accord. Car c'est extrêmement laxatif. Mais je l'ignorais. Et Guy est très fragile. Et alors avec une sauce hollandaise extraordinaire, je me régale. Puis je me sens un peu fatigué avant d'aller jouer. Je dis, je vais faire une sieste. Je dors une heure et demie, très fatigué. Je venais de découvrir, sans le savoir, les symptômes de la gastro-entérite. Alors, les premiers symptômes. Donc, j'entre en scène. Tout va bien. Autant choisi, la salle pleine, bon, pas de problème. Comme ça, ça marche bien, bon. Et puis, arrivé à l'histoire de Raoul le dégueulasse, je sens comme un gargouillis. Cauchemar du comédien. Ah bah oui. Il se trouve que mon régisseur avait installé la régie, comme on le fait parfois dans certaines salles, au milieu de la salle, au milieu du public. Ça, c'est un fait très important. Il écoutait tout avec un casque qui était en relation avec la scène, avec les techniciens qui étaient sur scène. C'est ce qu'on appelle un intercom. Bon, ça aussi, c'est très important. Et je sens le gargouillis. Je me dis, j'arrive à la fin du sketch. Et je sens que le gargouillis va être suivi d'un effet ravageur. Et comme les rideaux étaient noirs et pas marrons, je me dis, ça va se voir tout de suite. Bon. Et je dis, oh là là, faut que je m'absente. Je vais en coulisses. Je dis aux techniciens, dans le noir, évidemment, la noir de la fin de l'histoire, je dis... Bon, fermez le rideau, il faut que j'aille aux toilettes. Et les mecs commencent à fermer le rideau. Et là, j'entends mon régisseur qui avait posé son casque sur la table. Putain, il lui reprend son casque. Il dit, non, mais ne fermez pas le rideau, c'est moi qui commande. Et je prends le truc et je fais, non, Michel, fous-moi la paix, j'ai la chiasse. Et hop, mets de la musique. Ah oui, pour couvrir le... Enfin bon. Bon, et je vais en toilettes. Bon, ça clime. Et ah, j'y reste 10 minutes. Oh, l'enfer, comme dans le sketch de Coluche, je repasse, je reviens pour la deuxième couche. Et je rentre sur scène, mais... Livide, oui, mais je suis plein. Et je dis, mais c'est pas... Bon, et je continue, et là, je dis aux gens, je dis, excusez-moi, mais on a eu une panne de micro. Et là, tout le monde, la salle, mort de rire. Applaudissements. Pourquoi ? Parce que ce con de Michel, il avait posé son casque sur la console et tout le monde a entendu à travers les casques « Ferme le rideau, Michel, j'ai la chiasse !» Et là, les Belges, ils se sont vengés. Ils se sont vengés d'un quel cadeau. Ah, vraiment ça, c'est une anecdote en or. C'est la pire. C'est la limite, quoi. C'est vraiment... Non, mais là vraiment, c'est génial, parce que c'est comme dans les films, en fait, qu'on voit tout le temps le comme mec qui... Voilà, genre, il a posé le micro, genre, avec... Par exemple, dans les films, des fois, genre, il pose genre, les trucs de police, là, où il y a les mégaphones et tout, genre, il le pose sur le bouton, ce qui fait que ça reste activé. Voilà. Et là, la personne, elle parle, et à son insu, en fait, voilà, les gens vont entendre. Et là, c'est exactement ça aussi. Oh, c'est... Franchement... Alors, est-ce que le restaurateur a été... Sa tête a été mise à prix ou pas ? C'est pas lui, c'est moi. J'étais malade, j'étais fatigué. Bah, il aurait peut-être pu prévenir, non ? Non, mais là-bas, c'est un mets normal. Quoi. Ah, ils sont habitués. Ah, ouais, c'est vrai. Comment ça a été ton déjeuner ? C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. C'est un délice, les jets de houblon, mais ça rend pas malade comme ça. C'est parce que, en plus. Ça s'est cumulé, en fait. Et ouais, voilà. Mais quand même, juste sur les épisodes des deux théâtres, il y a un truc que j'ai oublié de raconter. C'est sur la première pièce donc, de Bergman, qui est une pièce très sérieuse, jouer la jeune comédienne. Le soir, j'ai mes deux meilleurs amis d'enfance qui viennent me voir à Toulouse, de Bordeaux, et qui sont dans la salle. Et à un moment donné, dans la pièce, j'ai un lapsus, mais horrible, en plein dans l'affaire du trou. Ah oui, oui, oui. Et à un moment donné, je dis cette réplique-là, Quel est le vrai texte ? Le texte, c'est « Mon sourire n'est pas ironique du tout ». Et je dis, mon sourire n'est pas ironique du tout. Et oui. Et tout le monde fait silence, et j'entends deux cons rire dans la salle. C'est mes deux meilleurs amis, les deux connards qui sont là et qui rient. Oh là mes adorables amis. Voilà. Ah, mais des fois, avoir des amis dans la salle, c'est pas toujours. Oui, parce que c'est les deux seuls qui ont explosé de rire. Ils étaient morts de rire, les salles. Ah, franchement, donc ça s'était bien passé la première, mieux que la deuxième, mais sauf ce petit intermède que j'avais. Il y a toujours un petit bémol. Il y a toujours un petit bémol. Donc, oui, donc Guy. Guy, vous avez donc une galère de plus à raconter. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai plein. Ça, ouais. 30 ans de tournée. Ah bah, il y a de quoi faire. Et c'était dans un théâtre à Paris, Théâtre Donou, qui était un théâtre épouvantable, surtout très mal dirigé. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu des soirs terribles. Il y avait un soir, par exemple, où comme la directrice voulait absolument que j'arrête mon spectacle parce qu'elle avait un autre à prendre après. Mmh. Donc, elle m'a torpillé complètement les réservations. Et un jour, ça avait quand même rempli, mais ce n'était pas mon public habituel. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais il y en avait un dans la salle qui, malheureusement, lui, faisait partie de mon public habituel. Et je commence mon spectacle, et là, je fais bide sur bide, mais ça ne rit pas du tout. Sauf à la fin du premier sketch, j'entends un mec au milieu qui fait... Et là, il y a une bonne femme devant lui qui se retourne, qui fait... Chut. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais madame, laissez-le rire, c'est censé être drôle. Ben oui. Donc, si je dois tout expliquer depuis le début, alors attendez, on va s'entraîner au rire. Et donc, je les ai entraînés au rire et c'est reparti après. Ah, oui. Et la deuxième anecdote, toujours dans la suite de ce même spectacle d'ailleurs, où là, la directrice avait carrément torpillé vraiment, j'avais un rang ce soir-là. Un rang. Ah, oui. C'était que des jeunes de banlieue, mais un peu. Comment dirais-je, un peu délinquants. Ouais, ils avaient un éducateur avec eux. Et ils les avaient amenés... Ils avaient 17, 16, 17 ans. Mais ils étaient super sympas. Parce que ça commence, et les mecs, ils bavassaient entre eux, ils allaient pieds sur la scène. Enfin, ils n'étaient jamais sortis de leur ville, c'était une catastrophe. Mais bon, je m'en fous, parce que c'était un peu l'ambiance de la blague. Voilà, oui, oui. Et à un moment donné, j'avais une histoire de Mouloud et Aziz, qui étaient mes deux personnages de banlieue, justement, qui font des conneries, qui font chier tout le monde. Et je parlais comme ça à Mouloud, parce que Mouloud, il est un peu balourd. Et Aziz, c'est le petit malin. Comme ça. Et puis alors, je m'y mets un peu. Comment il s'appelle déjà Ah, zut, je ne trouve plus son nom. Comedy Club. Jamel. Jamel Debbouze. Jamel. C'est comme ça que j'étais petit nerveux, comme ça. Mm-hmm. Et il y a un moment donné, il y en a un qui me dit on dit pas Ziva, on dit qu'est-ce que tu racontes. Puis je commence à le prendre. Qu'est-ce que tu racontes, bolos, tout ça. Et les autres ouais, c'est vrai, il parle comme ça, Mohamed, c'est vrai. On a passé une soirée extraordinaire. Ah, on peut avoir de belles surprises. Extraordinaire. Hein. Bah ouais, parce que c'était quoi. Avec un rang de mecs de banlieue, ouais, ouais. On était morts de rire. Ouais, parce qu'ils sont vraiment marrer, parce qu'ils ont balancé des trucs et tout, on était pliés. Mais oui, bah là, c'est malheureusement, dans ces soirées-là, c'est souvent l'improvisation qui va. Sortir les rames et puis y aller, quoi. Ah oui, c'est une des plus belles soirées que j'ai eues. Ah. Une des plus belles. Ah, mais c'est franchement, c'est de belles anecdotes. Parce que des fois, tu peux pas... Quand c'est l'humour, tu peux... Mais par exemple, moi, j'ai joué Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses au début de ma carrière. On jouait beaucoup devant les scolaires. Oui. Et à un moment... Alors moi, mon personnage, c'était Madame de Merteuil, c'est la méchante. Mais il y avait Madame de Tourvel. Alors elle, c'est la dépressive, celle qui va pas bien. Et à chaque fois qu'elle rentrait, il y avait les gamins qui faisaient « Ouais, elle est bonne !» Et alors là, ça, tu peux rien faire. Il y a des trucs, ça, c'était détruit. Mais il y a le quatrième mur, en plus. Ouais, il y a le quatrième mur. C'est on ne peut même pas improviser là-dessus. Quoi. Donc, il y a des trucs comme ça, tu ne peux pas adapter. Mais là c'est simple. Là, là c'était un cadeau. C'est pas là où ta copine est rentrée en disant un truc terrible. Maintenant, c'est le silence, c'est clair. Elle n'en pouvait plus. Et comme elle jouait un rôle de... À un moment donné, elle devenait folle. C'était une scène de folie. Donc, elle les a regardées comme une folle, comme ça, à la fin de sa scène, avant de partir, elle a fait « Maintenant, c'est le silence, c'est clair !» Elle a fait un truc comme ça, monstrueux. C'était terrorisant. Est-ce qu'il est possible de la louer pour des spectacles? Ça peut m'intéresser. Bien, ah, mais excellent. Elle est une très bonne comédienne, d'ailleurs. Mais alors, vraiment, c'était terrible, parce que vraiment, ces scènes, c'était impossible de faire quelque chose. Mais moi, j'ai eu aussi le téléphone qui se déclenche, qui n'arrête pas de sonner. Oh. Et j'ai une tirade énorme de Madame de Merteuil, donc j'y vais. Hein. Et je sais qu'à un moment donné, dans le texte, il y a... Et cela ne nuit qu'aux autres et ne nous gêne aucunement. Et je me dis, et alors là, pas tellement. Je regarde le mec, et puis je fais ça, et là, ça s'est coupé, net. Mais il y en a tellement d'histoires à raconter quand on est sur scène, il peut se passer tellement de choses, tout est... Mais ouais. C'est ce qui fait la beauté de cette passion, quoi. Bah ouais, on peut se blesser, on peut... Bah, c'est si un jour, si tu te souviens, c'était près d'Icoto du Viennois, je sors de le plateau était très bizarre, à Cône-sur-Loire. Il y avait un truc en limite, il y avait le rideau et je tombe dans un trou. Je me raccroche au rideau et on voit mes deux chaussures blanches. Et d'aller en dessous, les gens étaient pliés en deux. J'ai excusé là, la trop abusée du coteau du Génois. Et en plus, je revenais en faisant une maman méchante. Non, non, ça suffit maintenant, etc. Ah, mais là, crédible. Ah non, là, c'est terminé. Tout le monde demande de rien. Toute autorité était finie. Toute crédibilité. Et lui, enfin bon, voilà. C'est super. C'est les bons moments de scène et puis je pense qu'on en aura encore plein. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Mais c'est ça qui fait notre métier. On a une représentation et après, on passe à une autre. Donc les choses arrive une fois, c'est tout. Ah, c'est ça. Ouais, mais ça c'est le côté vivant, quoi, tu le sais spectacle jamais vivant. Ce qui va se passer, en fait, c'est ça l'histoire, c'est que tu sais pas ce qui va arriver. C'est l'espèce de, ça dure une heure et demie et tu sais pas. Mais même avant toute l'installation, comme toi et nous, on est producteurs, on sait tout. Il peut se passer plein de choses aussi avant. Donc dans l'installation, dans les problèmes techniques, dans les il se passe toujours des trucs incroyables. Quoi. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces anecdotes. Et donc on vous retrouve donc avec votre spectacle Pépette et Papy à l'Élysée, c'est bien ça? Oui. Voilà. En tournée et puis sur YouTube également la web série, voilà. On retrouve un petit peu des trucs sur l'actu, un peu sur la politique tout simplement. Les thèmes de société. Oui, voilà, tout y passe. Et aller sur le site. Voilà, tout est sur le site, donc www.guymontagnier.fr. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis j'espère que on aura l'occasion de découvrir un petit peu l'univers de Pépette et Papy et de voir un petit peu ce qu'ils pensent du quotidien, un petit peu de l'actualité et tout, et puis leur péripétie, parce que j'imagine que on a des belles surprises aussi pendant le spectacle. Oui, parce qu'on joue à la fois Pépette et Papy, mais tous les autres personnages. Vous avez d'autres personnages, voilà. Oui. Ah ben c'est bien, c'est bien, fait, franchement. On a fait revenir le général Buzard, bande de petits salopards. Ah oui. Et puis Sylvie a créé un personnage qui s'appelle Madame Bourinas, qui est la voisine, qui est une vieille icône. Et bien ça promet, en tout cas merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.